La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impressions et articles promotionnels. Remorquage Belle-Île, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Le supermarché Maxi d'Amos, imbattable, point final. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina vous invitent à faire le plein de bières de microbrasserie dans ses sections Racabrou. Plus de 450 produits à l'arrêt routier Petro-Canada. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de soutenir AT360 et souhaite à tous une bonne émission. En direct d'Amos, mesdames et messieurs, voici votre animateur, François Munger. Bonsoir! Bonsoir! Allô? Hey, première fois que je commence pas le show tout seul. Ouais! Hey! Commence avec temps. Douzième! 12e ce soir. 12! J'avais pas passé vite de même, 12 ans, tabarouette. 12 ans, tu sais que. C'est long, hein? Vu de même, là, il y a 12 ans. Là. T'avais 12 ans, hein, c'est ça. C'est ça. Hey, ce soir, on a une très grosse émission. Et pour les gens qui sont avec nous sur le web ou en studio, on vous invite à aller commenter sur Facebook. Identifiez des gens aussi avec qui vous pourriez peut-être partager les cadeaux qu'on a à donner. Parce qu'il y a des cadeaux. L'alcool, c'est pour nous autres. On a des cadeaux? Oui, d'ailleurs, on boit, tout le monde. On boit. Je bois de l'eau. Oh. Voilà. Ah, il est plat. Il est pas prêt. Buvez avec modération. Donc, ce soir, speaker sans fil, une gracieuseté de La Source Express. On a également un Google Chromecast. Ça, Mathieu? Ça, c'est une espèce de bidule que tu branches dans ta télé et là, tu peux écouter AT360 ailleurs que sur ton cellulaire. Oh! Ce qui fait que c'est bien moins fatigant. Fait que là, t'as envoyé ça par onde Wi-Fi sur ta télé. Et c'est merveilleux, et là, ça, c'est très... C'est ce que les hipsters, ils appellent comme streamer, c'est ça? C'est ça, c'est comme, c'est comme si t'avais de l'argent pour te payer le câble. Et on n'a pas regardé les dépenses, on a acheté le Google Chromecast Ultra, donc ça peut diffuser en 4K le les images sur votre télé. Merci. On a décidé de vous faire plaisir. Il y a la gourmandine qui nous offre également ce merveilleux panier cadeau, qui est ici. Je vais partir avec, ça me dérange pas. D'ailleurs, salutations à Caro, qui est avec nous ce soir. Il y a des pretzels au chocolat, en tout cas. Oh, ça a l'air bon, ça. Il y a une tuque de Michel et Leloup, également, à gagner. Oui. Thématique, ce soir. Oui, thématique, effectivement. Il y a des tuques de Médiaté qui vont être à gagner également ce soir. Et pour terminer, des billets pour le cinéma à Amos. Une paire de billets en studio et une paire de billets sur le web. Tu es allé voir Star Wars, toi? Pas encore. Moi non plus. C'est quoi Star Wars? Il y a personne. Tout le monde parle de ça. Personne t'allait le voir. C'est quelqu'un dans la foule qui était voir Star Wars? Hi, OK. Donc, fort simple, pour gagner, et là, le tirage, on va faire les tirages le 23 décembre. Hein? Ouais, on laisse le temps aux gens d'écouter l'émission. Quelque chose, je vais m'assurer que le tirage soit fait à midi le 23 décembre pour que les prix puissent être reçus dans le temps des fêtes. Les gens, je vais m'assurer de vous quel film sur les tirages? Ouais, c'est la firme Internet avec un randomizer. C'est, okay, cool. Ça s'appelle Random Common Picker. C'est vrai pour vrai. Oui, il y a un random. Là, je veux dire, je fais pas les tirages à la main parce qu'on a beaucoup de commentaires dans les émissions. Donc Michel et Leloup, ils font ça. Ils font des lives Facebook, ils mettent les noms dans des plats. Ouais. C'est comme à l'ancienne, tu sais, Bruno. Hein, à moins qu'on y aille avec, Prou, la voix estouche. En tout cas, je vais fermer la sonnerie de mon cellulaire qui sonne sur la table. Ben oui. C'est du direct. Ça fait sérieux. Qu'est-ce que tu veux? Donc oui, on vous invite à commenter. Identifiez des gens avec qui vous partageriez ces prix-là, parce qu'on veut inviter le plus de monde. Allez partager la diffusion également. Donc, il faut commenter, identifier, partager. Ça, c'est les trois consignes. Si vous voulez gagner ça, On veut voir du monde. Nous autres, ce soir, c'est un show spécial de Noël. Noël! Alors, Noël, qu'est-ce qu'on a fait en cuisine? Parce que Seb, faut le dire, ça fait trois jours que tu cuisines. Ça fait trois jours que je cuisine pour préparer un beau repas de Noël. À ce soir, je propose pour un mince budget un bon repas de Noël pour nourrir 15-20 personnes en bas de 40 $. Ouais. Effectivement. C'est incroyable. J'ai vu la facture. Ouais. Je peux te dire qu'on est dans ces prix-là. Puis, Je dois dire que je vais chez Maxi. Oui, ben oui. Oui, Maxi. Ben oui, Maxi, qui est d'ailleurs notre commanditaire au niveau bouffe. Alors, on les remercie. Merci d'avoir Martin et Matt, ça n'a pas marché. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Maxi qui était avec nous cette saison. Au long de la saison. Bravo. Bravo. Là, donc, on repas de Noël, on va parler aussi de trucs durant l'émission, puis on verra. On va s'attarder peut-être un peu moins cette semaine à la bouffe elle-même, mais au rapport festif de Noël, puis tout ça. Puis on va mettre plus d'enfants. Ouais, parce que là, on comprend que tu as mis une cravate. Tu n'aurais pas mis une cravate si tu jouais dans le jus en arrière. Ah ben, c'est ça. Dedans, je me suis pas, on a travaillé d'avance. Avant. On est plus tranquille, puis on fait ça à bonne franquette aussi ce soir autour du comptoir. Oh oui! Il y a deux. Et Duc Alcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Ça, il ne boit pas depuis tantôt. Eh bien, il y a une canette qui traîne ici, là, de bière non identifiée. Ah, voilà. Avec les montagnes. Mais faut dire aussi au niveau bière que pour nos invités dans la foule et pour vous aussi, j'ai une petite nouvelle pour vous. Hein? On a de la bière du Rac à Brou qui nous a été fournie gratuitement. Salutations à Audrey Lapointe qui nous a gracieusement donné de la bière. Donc, pour les gens en studio. Les enfants, il y a du mou de pomme. Parce que oui, il y a des enfants avec nous ce soir. On va essayer de ne pas être trop vulgaire. Il y a du mou de pomme non alcoolisé. Mathieu. Oui. On va passer tout de suite à votre capsule. Parce que là, Mathieu, tu es dans toutes les capsules de la soirée. C'est un peu intense. Je me sortirais un bout. Je suis comme trop là. Ouais, puis là, ce show-là, tu as décidé que tu étais là tout le long. Ouais, bon, on a fait une petite revue de l'année. On a complété une belle boucle avec les 360 et les deux MPP. On était là sur le terrain. On a analysé les grands moments de l'actualité régionale et on vous a préparé une petite revue de l'année, là, pas piqué des verres. Il n'y a pas beaucoup de contenu, mais... Toujours pertinent. Oui, toujours pertinent. Ouais, toujours. En tout cas, on va laisser le public en juger. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à lancer ça? Ben oui. On lance? On s'en va à la capsule. Bon show! Janvier! Grosse nouvelle en janvier! Ouais, premier bébé de l'année 2017 est né dans la capitale nationale. Bravo! Donc, d'ailleurs, selon le Journal de Montréal, l'article a été publié et il y a deux phrases. Et toujours plus de détails suivront. Donc, on attend toujours les détails! Agence QMI. Février! Ouais, le mois de février, hein, c'est un mois rempli d'amour. C'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, la fête d'un petit chérubin qui nous c***lisse une flèche dans le cul pour dire qu'on aime quelqu'un. Tout à fait. Et il y avait l'amour qui brûlait entre les commerçants et le conseil municipal en février. Donc là, gros conseil, grosse séance. Ouais. Et là, ce qu'on veut faire, c'est que là, la ville propose de donner la gestion de la flotte des véhicules au CGR du ministère des Transports du Québec. Et là, ça... Ça satisfait pas les gens parce qu'on va perdre des acquis, Mathieu! C'est pas si vite que, comme nouvelle, ça, là. C'est pas très vite, mais ce qui est surtout très vite, c'est le résultat de tout ça. Parce que finalement, on forme un comité, deux mois plus tard, bon, y en a pas de problème. On va pas de CGR, on garde le statu quo! C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. C'est le festival du statu quo. Oui, et ne manquez pas le festival du statu quo, prochaine thématique de la FÉ 2018, mois d'août prochain. Et celui de l'année d'après. Et l'autre, on va avoir qu'un à toutes les années. Bien plus facile. Bien plus facile. En vrai, embarque ma belle, embarque pour tout. Hey Matt, veux-tu une Coffee Crips? Non, je prendrais plus une Mars. Hey Mathieu! Oui? Sais-tu qu'est-ce qui est vide? La nouvelle prison d'Amos. Oh! Mais sais-tu qu'est-ce qui se passe en vieille prison? Oh, ça a l'air que ça se bat. Ça se bat? Ça se bat, un article de mars 2017, mais qui relate une bataille de mars 2011. Ouais, de décembre 2011, en fait. Deux ans. Ouais, de décembre 2011. Et. Hey, reviens ici, reviens ici. Et la raison de la bataille, c'est que le détenu a entendu le mot truie au lieu de jolie. C'est deux prisonniers qui parlaient probablement de leur conjointe. Et là, quelqu'un qui disait, ah oui, c'est vrai qu'elle est jolie. Ben, l'autre prisonnier a entendu, c'est vrai que c'est une truie. Puis ça s'est approché. Pour que vous compreniez bien, reconstitution. Hey, ta blonde, c'est une jolie truie! Là, c'est là les gendarmes de prison sont arrivés. Les gendarmes de prison. Hé, hey Mathieu, t'aimes-tu ça, toi, Simple Plan? Oui, mais j'aime beaucoup plus Avril Lavigne. Donc, en avril, ouais. Grosse nouvelle qui tombe, secteur Val-d'Or, les caribous forestiers déménagent au zoo de Saint-Félicien. On va les transporter en hélicoptère, là. On va les amener là-bas. Moi, là, je suis un humain et j'ai jamais fait de tour d'hélicoptère. Mm. Ça, c'est vide, ça. Ça c'est chien de donner ces occasions-là juste aux caribous de Val-d'Or. Caribous, ils en payent-tu de l'impôt, lui? Non. Même moi, j'en paye. On paye pour eux autres. On paye pour eux autres. Je veux en faire, moi aussi, un tour d'hélicoptère pour aller voir mes chemins à Saint-Félicien. Mais rassure-toi, Mathieu, le zoo de Saint-Félicien a pensé à cette injustice et finalement, il a dit non, non, non, non, non, non. On les prendra pas, les caribous. Faut que les caribous payent des taxes. Et encore une fois, c'est le festival du statu quo. Après un gros débat, ça se passera rien. Ah ouais, embarque ma belle, on va faire un tour. On va donner du bois, gueuler avec les caribous. Je veux qu'on va s'aimer jamais. Vous avez une nouvelle importante à communiquer? Contactez l'équipe Médiaté en tout temps sur Facebook et Twitter ou encore aux nouvelles avec un s@mediate.ca. Médiaté, 100% web, 100% B2B Témiscamingue. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzile, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Le supermarché Maxi d'Amos, imbattable, point final. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier Lapointe Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Le rack à bonbons du dépanneur Relais des Pins, c'est plus de 125 bonbons en vrac, frais et moelleux. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT360. Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche. À travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge. Et les grands murmurent ces terres, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous, car la nature est si jolie, le bleu de son ciel est si doux. Au filant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. le bon Dieu dans son paradis. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge, et les grands murmurent cet air. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous, car la nature est si jolie, le bleu de son ciel est si doux. Au filant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Alors pour ceux... Pour ceux qui se demandent à qui appartient cette merveilleuse voix, Madame Marie-Ève Tremblay, qui est accompagnée par Frédéric Gourde à la guitare. Et là, je vais faire ça en direct tout bonnement comme ça. Je vais me déplacer, je vais aller voir la gang en régie parce que je veux dire merci à toute mon équipe parce qu'on ça travaille fort puis on les montre pas souvent. Fait que je vais y aller tranquillement avec la caméra mobile. J'irai pas trop vite pour pas vous étourdir avec tout ça. J'ai amené un micro que Steve avait peut-être pas vu encore, mais j'ai le micro 4, mon Steve. Ça va bien? Oui. Alors, Steve Lévesque et Karine Taillon. Hello. Allô. Qui sont notre équipe en régie depuis le tout début d'AT360 ou presque, là, c'est pas mal ça. Ils ont été très fidèles, puis vous les voyez pas, mais moi je veux leur dire un immense merci. Merci d'être là, ils acceptent de donner du temps bénévolement pour qu'on réussisse à faire cette émission-là. Merci beaucoup à vous autres. Puis je vous souhaite une excellente année des fêtes. On va retourner tranquillement, pas vite. Puis là, je vais regarder celui-là. Tiens, regarde. Allô? Il y a plein de caméras ici ce soir. C'est bien le fun. Il y a TVC7 que je dois remercier qui n'a... Je suis caméraphie. Pascal qui dit « Steve a maîtrisé le bouton mute ». Félicitations, Steve. Faut dire qu'il y a une anecdote depuis le début de l'année, parce que quand on a fait la première émission, c'était cocasse. Il a manqué de son sur une petite portion. Puis on aime bien ça, taquiner Steve là-dessus. C'était de ma faute, en fait. C'est parce que sur la console, les boutons, ils allumaient pas. Fait que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter une nouvelle console pour que Steve les voit. Voilà. Okay. C'est fait que finalement, c'était de ma faute. T'as le cœur, ça, exactement. Père Noël. Là, c'est un grand moment ce soir. Je vais le mettre pas trop loin, lui, parce que c'est un grand moment ce soir. C'est un grand moment. Qu'est-ce qui se passe? On a laissé planer le mystère. On a dit qu'il y a quelque chose qui s'en venait, qu'on avait une grosse nouvelle à annoncer ce soir, mesdames, messieurs. Êtes-vous prêts à entendre cette nouvelle-là? Oui! Ben, pour vous dévoiler la nouvelle, on y va avec ça. Alors, on a annoncé, on l'annonce maintenant, nouveaux collaborateurs qui sont avec nous à partir de maintenant. On a quoi, une dizaine de nouveaux collaborateurs? Là, il y a Mathieu qui s'est sauvé, mais que je voulais quand même garder parce qu'on garde nos valeurs. C'est juste parce que là, je pensais que c'était serré. c'est correct, je vais me serrer le ventre. C'est bon. Oui, donc, nouvelle saison, nouveau concept. Ça fait un bout de temps qu'on mijote la préparation, tout ça. Puis même les collaborateurs, ça en savent pas beaucoup sur ce nouveau concept-là pour c'est un peu flou, hein? La saison 2 d'AT360. Parce qu'après un an, à un moment donné, il faut que la saison finisse. Hein? Fait que, on est année de l'hiver, on s'est dit peut-être que si on change de saison, on va retomber en été. Pas même ça, Mère? Non. bref. On leur en a pas dit beaucoup. On a invité un paquet de personnes à devenir collaborateurs de la saison 2. Ils vont revenir à plusieurs moments durant cette saison-là pour venir nous parler d'un paquet de sujets. Ce qui les intéresse, finalement. Voilà. Et on a Kate Lessard avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Elle fait partie de nos nouveaux collaborateurs cette année. Mm-hmm. Elle n'en sait pas plus, ben ben. Non, pas vraiment, pas tant que ça. Que ça, mais je veux que tu nous parles de toi un peu. De moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Parle-nous de toi. Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Ben écoute, non, c'est juste que je trouve que c'est nice, comme c'est régional, je trouve que c'est quelque chose de nouveau, c'est cool, on peut apporter quelque chose comme de spécial et de différent dans notre région. Ah, hey, c'est bien. Qu'est-ce qu'on parlait en meeting? C'est bien amené. Régional, différent, nouveau. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Je sais pas. Hors d'onde? Ouais, régional, vrai. Différent, nouveau. Je pense qu'on n'y en a pas dit, là. Quoi? C'est exactement ça qu'on veut ouais, faire. Exactement dans les mots-clés. C'est le target. T'as tout à fait compris le concept sans qu'on Oh my God. Oui. Ouais, mais je pense que, écoute, je pense que je peux apporter cette chose. Oui. Puis là, il faut dire au monde pourquoi je peux apporter cette chose. Pourquoi? Ouais. Tu sais pas? Ah. Mais voyons donc, attends. Va te l'apprendre. Parce que, moi, écoute, je lutte contre la cause LGBT, OK? Oh! Éclaire-moi! Moi, je suis une transgenre. Oh! OK? Une transgenre, on n'en voit pas beaucoup ici en région. Okay. Ça fait partie du milieu LGBT. Et il faut juste, comme, briser le tabou, en fait. Mm. Faut juste briser le tabou, c'est juste ça, c'est okay. Tout simple. Comme éclairer, informer les gens. Informer les gens, mais juste montrer que c'est quelque chose de normal, qu'on voit de plus en plus, puis qui va être visible, genre à la télé, sur le web. C'est ça. Ah, parce que pour expliquer aux gens, c'est quoi le transgenre? Oui. Quand je t'ai connu au départ, tu t'appelais pas Kate. Non, je m'appelais pas Kate. On s'est connu avant. J'étais un garçon, et maintenant, j'ai switché. Et voilà, c'est ça. Ça marche. Puis c'est correct. Vive les femmes! Yes! Yes! Puis il faut le dire, dans cette diversité-là aussi de l'émission 2.0, appelons-la ainsi, la deuxième saison, on a aussi été chercher des collaborateurs de partout en région. Malheureusement, ce soir, ben, vous les avez vus dans la capsule promo qu'on va d'ailleurs représenter sur les réseaux sociaux très prochainement. On va vous les présenter un par un. Plus tard dans l'année. Mais on ne pourrait pas tout être là. C'est un petit studio. Là. Donc, il va y avoir des collaborateurs qui vont se relever. Ça se bouscule au portier. 3-4 avec nous autres. Puis, il va y avoir des gens des quatre coins de la région. Mm-hmm. Parce qu'on fait une émission régionale. Il faut le dire, AT360 a été le premier talk show sur Facebook Live au Québec. Ouais. Et maintenant, il y en a quelques-uns, là. On a été premiers même avant le talk show du Beach Club. Ouais. Ce qui est pas peu dire, hein? Désolé, Olivier Primeau. Les pionniers. C'est une gang de suiveurs. C'est Mais voilà, tu sais, là, l'Auto-Québec finance des talk shows sur Facebook Live. De plus en plus de monde. Non, pas encore. En tout cas, moi, je lance un appel. L'Auto-Québec. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, Patrice Lavoie aux communications chez l'Auto-Québec, si tu nous entends. On est là. Mais on est vraiment le premier talk show en direct sur Facebook Live. Donc, la version 2.0 des collaborateurs qui vont revenir, va peut-être y avoir moins d'invités. On va laisser plus de place aux invités qui vont être sur le plateau. Et les collaborateurs vont intervenir aussi. Donc, on s'en va sur des chroniqueurs plus que des intervenants. Exactement. Ça va avoir un peu comme un panel. On va pouvoir intervenir, puis on l'a fait. On a essayé la formule dans des émissions. Ça va permettre d'avoir un format moins rigide. Plus d'interactions directes avec les gens qui vont nous écouter aussi. Okay. Il va y avoir des invités toujours, là. Oui. OK. Puis on va continuer de parler de culture, on va parler de politique, on va parler de toutes sortes de choses dans cette émission-là. Donc, c'est la version 2.0, la deuxième saison d'AT360 qui commence le 20 janvier. Yes! Toujours des prix, toujours des... Exactement. On va garder la bonne formule autour, puis on va bonifier l'émission. Puis je t'annonce que t'as pas perdu ton travail encore. Fait que si ça va toujours bien, tu devrais rester là. Je suis content. On a une de nos nouvelles collaboratrices. Toi, Kate, qu'est-ce que t'aimerais parler dans cette émission-là? Ça serait quoi tes intérêts? Écoute, moi, je suis ouverte à vraiment plein de choses. Parle dans le micro. Je suis vraiment ouverte à vraiment plein de choses. Comme tout m'intéresse. C'est bon, comme on va parler de la cause, c'est correct, on va en parler, mais on va pas en faire le sujet. Genre, j'aime vraiment toucher. Tu sais, écoutez, je suis cultivée, là. Qu'est-ce que t'aimes, toi? Je suis cultivée. J'aime beaucoup le milieu des arts, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la musique. Okay. L'espace est un petit peu moins dans ma corde, mais quand même. Il y a des gens qui vont venir en parler. Ben oui, mais moi, je suis ouverte à aussi apprendre sur le sport, comprends-tu? C'est ça le but de, l'espèce de discussion qu'on va avoir, c'est que tout le monde apprenne des choses puis qu'ils rajoutent leur questions. On va être une grosse équipe. Exactement. Puis on va apprendre plein d'affaires. OK, genre, tu veux couvrir du foot, mais tu veux couvrir du théâtre aussi en même temps. Tout en même temps. Mais jamais de maquillage. Ben oui. On peut te parler de maquillage? Peut-être. On peut? On va se lancer. On jase. Ben là, on va le faire. Okay. On va tout faire. Peut-être pas là. Éclaircir. Non, c'est ça. Oui, je porte du fond de teint. Voilà, je vais parler de maquillage. C'est vrai. Hein? Ben oui, mais on est en HD. Hein? Faut le dire, on est en HD. Imaginez-le, pas de maquillage, lui. Yeesh! Voulez-vous vraiment voir ça? Non, c'est pas vrai. J'ai une barbe. Voilà. Je pense que ça fait, pour le moment, le tour de cette nouvelle... Les gens sont bien informés. Là, on a lancé ça en pleine gueule, cette nouvelle-là, excusez. On a bien hâte de vous présenter tout ça. Ça fait longtemps qu'on prépare ce nouveau concept-là. Fait chaud. Qui est sorti... Oui, il fait extrêmement chaud en studio. Qui est sorti un petit peu de la tête de Mathieu Proulx, de la tête d'une équipe. On s'est réunis autour de... Tu sais, quand on disait au début de l'émission qu'on fait ça autour du comptoir, c'est ça qu'on a fait. On s'est réunis à un moment donné, l'équipe autour du comptoir, puis on a dit « Où est-ce qu'on s'en va avec ce show-là? » Et c'est là qu'on... Où est-ce qu'on s'en va? C'est parce qu'il y a une belle caméra, puis ouais, ça m'étrippe vraiment beaucoup. C'est ça, hein? 4 caméras, on ne sait plus où regarder, c'est bien le fun. On fait ça à bonne franquette. Et là, je vais lancer la prochaine capsule pendant que je vais aussi aller partir l'air climatisé. Oui! Viens-tu te dire que je vais partir l'air climatisé au mois de décembre? Ben oui! Ben il fait plus 1000 ici. Il fait actuellement 25 degrés dans la cuisine. Hein? C'est l'été! C'est l'été à médiaté. C'est pour ça! Je t'avais d'enlever des morceaux. Donc, la première capsule... la deuxième capsule, en fait, on a notre expert en événementiel, Pierre-Marc Langevin, qui y avait analysé cet été un cirque qui était de passage à Amos, mais là, on l'a traîné avec nous autres à Val-d'Or. Oui, une belle parade du Père Noël. Ouais. On a analysé ça, c'était quand même assez grandiose comme événement. Oui, oui, c'était un bel événement. Il y avait beaucoup de monde. Je pense plus de 8000 personnes qui étaient réunies sur la 3e avenue à Val-d'Or avec un avion qui nous passait à une couple de pouces de la tête. Là. Et on s'est posé une question. Est-ce que c'était le vrai Père Noël? La réponse, vous allez l'avoir. La barbe? Dans la capsule. On se disait qu'on vous trouverait peut-être ici. Imagine que vous êtes là pour l'événement. Oui, je suis là pour l'événement. Moi, je suis allé à la parade du Père Noël de 97 à Montréal. Ce temps-là, je suis... qui a fini en émeute, là? Celle qui a fini en émeute, puis ça me crée une passion dans le moi. Puis je suis toutes les parades du Père Noël maintenant. Puis comme je suis un spécialiste des événements familiaux aussi, ben, je me suis dit que ça serait important que je vienne voir ça ici. Là. Pierre-Marc, on te confie le micro de médiaté pour cette analyse de parade. Qu'est-ce qu'on regarde dans une parade? On regarde la beauté des chars allégoriques, le sourire du Père Noël, puis surtout le plaisir des enfants. Est-ce qu'il a une vraie barbe? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que c'est le vrai Père Noël ou c'est le faux? On va essayer d'embarquer sur le char allégorique pour le savoir. Alors Mathieu, première chose qu'on regarde tout le temps dans une parade, eh bien, c'est la sécurité. Comme tu peux voir, on est capable de marcher au plein centre-ville de la ville de Val-d'Or, sur la 3e, sans problème. Tout le monde est capable de traverser. Il y a même des petites clôtures jaunes puis des 4 roues. Moi, je conseillerais pas ça à 3h du matin, moi. Les mascottes, leur travail numéro un, c'est de donner des câlins, hein? Ouais, et justement, Pierre-Marc, j'ai un défi pour toi, donc je te mandate de donner le plus de câlins aux mascottes qu'ils vont avoir dans la parade. Je sais pas qu'ils sont combien. On va tout compter les câlins qu'ils vont se donner dans la parade. On va essayer de se rendre à 1000 câlins. OK, Pierre-Marc, t'as-tu toujours rêvé de donner un câlin à une tank de propane? Ouais, je pense que c'est quelque chose que je suis capable de faire. Ça pourrait se passer là. Ça peut se passer là, tu penses? Saut d'un bras maintenant. Saut d'un bras de la canisse de propane. Comment on fait pour coordonner tout ce monde-là? Tu leur donnes un véhicule et un itinéraire. Faut que tu donnes ton itinéraire au poste de police, parce que sinon c'est une émeute illégale. Puis ensuite, c'est du CB. C'est tous des langages CB, ils parlent en code morse. Pout, pout, pout, pout. Ça veut dire continue. Pout, ça veut dire arrête. C'est même ça marche. Ah, oh, continue, avance. Il y a un avion qui survole le ciel. Man! Ça, Mathieu, j'avais pas vu ça en 97. Joyeux temps des fêtes et une très bonne année 2018. Et je vous aime tous, toute la bande! Tu donnes des tatous? Oui, je donne des tatous. J'aimerais ça un dragon sur l'épaule ici. Ok, ouais, mais moi je prends un professionnel, là, c'est déjà fait. Là, c'est sanitaire au moins? C'est sanitaire, ça dépend si t'es main propre. On assiste ici, Mathieu, au plus petit char allégorique de cette parade. Un effort minimum, mais tout en beauté, poussé par le chat au chapeau. Comment se passe ta parade? Ça se passe bien de bord! Merci beaucoup, Pitou! Les scouts réunis autour de leur feu de camp allégorique sont fiers, ils nous représentent, toujours prêts. Mathieu, on a ici le QG de l'avion qui survole la tempête depuis tantôt. Ah, voilà. La tour de contrôle est ici, dirigée par l'elfe. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accident. Non, l'elfe connaît très bien le trafic aérien, il fait pour le Père Noël, il sait de quoi qu'il parle. On a aussi Snoopy, son avion de chasse. Alors on voit ici, il y a même Obi-Wan Kenobi qui est en prestation. Un Jedi, mesdames et messieurs, dans cette parade. Je ne savais pas que les Jedi étaient là à la naissance de Jésus, par exemple. Alors Mathieu, ici on voit le service des incendies de la Corne avec leur camion citerne. Je pense que le Père Noël arrive enfin. Les enfants sont concentrés. Avez-vous hâte de voir le Père Noël? C'est ça que j'avais le goût d'entendre. La madame était contente, les enfants s'en foutent. Des commentaires percutants venant d'Hubert. Mathieu, tu vois qui je vois? C'est le Père Noël! Et on peut répondre à notre question qu'on se posait tout à l'heure. Je pense que la réponse est non. Ce n'est pas le vrai Père Noël, je pense, mais il ne faut pas dire aux enfants. Mais le Père Noël est présent et bel et bien là! C'est fini, Mathieu. Déjà terminé. Même à une heure et demie de parade, hein, c'est riche. C'est riche, beaucoup d'émotions, beaucoup de diversité aussi. Des beaux chars allégoriques et tout ça. On a dépensé beaucoup d'énergie aussi. Ils nous ont fait danser, ils nous ont fait bouger. Et à la question, est-ce que c'était une vraie barbe? Clairement. Non. Mais les enfants l'ont pas vu, ça. Non, ils l'ont pas vu. Fait que c'était pas le vrai Père Noël, je pense, qu'il a engagé sa doublure pour aujourd'hui. Ben, clairement, ben, comme on l'a dit, il a fait 200 000 parades à ce jour-ci. Ouais, Il a besoin d'un backup. Je pense que j'ai rempli ton défi aussi, Mathieu. Ouais, prochaine rencontre, on va démystifier la quête de l'autre Pâques. C'est beau ça, j'aime ça. High five. Bon, ben je te rends ton micro puis je retourne manger une poutine. Vous avez une nouvelle importante à communiquer? Contactez l'équipe Médiaté en tout temps sur Facebook et Twitter ou encore aux nouvelles avec un s@mediate.ca. Médiaté, 100% web, 100% B2B Témiscamingue. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Le supermarché Maxi d'Amos, imbattable, point final. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Le rack à bonbons du dépanneur Relais des Pins, c'est plus de 125 bonbons en vrac, frais et moelleux. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT360. Eh oui, on a des partenaires qui s'impliquent. D'ailleurs, Caro de la Gourmandine nous a donné un panier cadeau ce soir. La clinique Mercier-Lapointe-Langevin qui fournit mes lunettes. La bière du Racabrou qui a tout été bu, faut croire. Il n'y en a plus! On leur met au froid. Ah, c'est ça. Oui. C'est bon. Hey, gorgé, tout le monde. C'est toujours meilleur. La modération a bien meilleur goût. Mm-hmm. Sauf à Noël. On vous rappelle, buvez responsablement et surtout... là, ce soir, les centrales de Nez Rouge sont ouvertes, alors prenez Nez Rouge, prenez un taxi, appelez un ami si jamais vous devez vous déplacer et que vous avez le goût d'en profiter un petit peu ce soir. Alors, on va aller faire une petite portion d'interaction Facebook parce que je rappelle les cadeaux, on a tellement à gagner ce soir. Mm-hmm. Et là, je vous rappelle, il faut partager la diffusion, vous êtes 45 en ce moment à nous écouter. On partage, je veux voir 45 partages à l'instant. Ben oui. Je veux voir une vague de likes passer dans le truc de diffusion, je le vois juste ici. Je veux voir également identifier, il y a des gens qui l'ouvrent dans le studio. C'est pas un bon moment, je pense. Je veux voir identifier quelqu'un pour qu'il voit cette diffusion-là et qu'il découvre notre émission ce soir. On a un speaker Bluetooth, gracieuseté de la Source Express Amos. On a un Google Chromecast Ultra, gracieuseté de Médiaté. On a un panier cadeau de la gourmandine. On a une tuque de Michel et Leloup. Deux tuques de Médiaté. Une paire de billets pour le cinéma Amos. Essaye pas de manger ce qu'il y a dans le panier, Mathieu. Une paire de billets pour le cinéma Amos en public et une paire de billets pour le cinéma Amos dans les commentaires. Il y a beaucoup de monde. Irène Mélenchon, Joanne Fortin, je fais des salutations. Andy Klink, Rock Lapelle, Claire Paulin, Caroline Leblanc. Il y a bien du monde. Il y a des gens qui nous souhaitent un joyeux temps des fêtes. Pierre-Marc Corriveau, notre nouveau collaborateur également, qui dit « La bromance entre les deux, Mathieu, est incroyable! » C'est vrai qu'on est beau. Liliane Turpin qui aime bien ça parce qu'elle a des nouvelles d'Amos. Elle entend parler d'ici. Donc, salutations. JF Gravel, Pascal Perrault qui est là tout le temps. À chaque émission, Pascal est là. David Ouellet, salutations. Amina Blackburn qui nous écoute aussi. Bernard Gartin, salut. Bernard à l'imprimerie qui nous aide toujours quand on en a besoin. Nos merveilleux cartons ont été imprimés là d'ailleurs. Les tucs. Il y a tellement d'objets promo, là, la tasse. Tout a été fait là. C'est pire que Walt Disney, cette histoire-là. C'est juste il y a beaucoup de monde avec nous. Et ça augmente. Là. On a parti, on a monté à 50 il y a quelques secondes. Donc, allez partager. Seb Saint-Jean qui nous dit pas mal cute cette équipe-là. Seb qui nous a fourni justement le speaker. Mm. Salutations à toi. Continuez, partagez, commentez. Et vous avez jusqu'au 23 décembre à midi pour le faire. Et donc. Est-ce que tu vas te déguiser en Père Noël, François, pour aller porter les cadeaux? Non. Je te lance le défi. Hein, il dit non. Non, non. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ça va me prendre un costume. Je fournis le costume. Ah, je fournis le costume. Je suis bien willing de faire bien des affaires. Ça va être bon, je vais filmer ça avec mon selfie stick, ça va être mal. Hey, oui, c'est vrai, parce que Mathieu, dans la saison 2, va se promener un peu partout avec son selfie stick qu'on lui a acheté. Ça. Parce que je suis aussi agent Instagram Médiaté. Ouais. OK, c'est là qu'on plug la saison 2 encore. Si vous voulez avoir allez sur Médiaté Instagram. OK. Exactement, il y a des stories Instagram qui se font ce soir. Là, vous irez voir notre compte. On contrôle tout ça. C'est bien impertinent, aussi. Non, on n'ira pas voir la sienne. Salutations, Karen Sylvain, Cynthia Robert-Roy, il y a encore des gens. Sébastien Greffard, si vous cherchez un party après l'émission, on est en ville à l'Amalgame. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien Greffard? Sébastien Greffard qui a aussi fait la trame sonore dans T360. Alors, salutations, Sébastien, on va peut-être aller voir tantôt. Il est à l'Amalgame ce soir. D'ailleurs, je dois me reprendre, j'ai oublié dans la dernière émission de remercier l'Amalgame. Ben oui. On est allé tourner la session médiatée à l'Amalgame l'autre jour. Merci beaucoup de votre accueil. C'est toujours aussi chaleureux et on a toujours du plaisir. DJ Ben qui a toujours bien du fun avec nous autres aussi. Anthony Thibault, c'est ça? Godet. Godet, oui. Voilà. Donc, Seb. Oui? J'en étais rendu à te parler. Oui? C'est ça qui arrive. Hein? Normalement, cette émission-là, j'ai une vingtaine de cartons avec tout ce qui se passe dans l'émission. Et là, j'en ai trois ce soir. Oui, ben c'est coq-à-l'âne un peu. Ben, j'ai rien écrit sur ces cartons, en fait. Ce qu'on oublie beaucoup, je trouve que Noël, bon oui, c'est la bouffe, c'est rassembleur. Mm-hmm. Puis, mon segment à moi est un peu la bouffe, mais je pense que c'est important de parler surtout de la famille. Je voudrais dire bonjour encore à mes enfants. Êtes-vous en mode Noël? Ben oui, quand même. Est-ce que vous allez consulter vos familles ou voir votre famille? Ben oui. Pour Noël? Ben oui. Je pense que c'est... Il faut se concentrer plus là-dessus. C'est la base. C'est ça qui est la base. C'est rassembleur Noël. Que ce soit des amis, que ce soit une famille... qu'on n'a pas choisi ou que ce soit des amis. Une famille, c'est au sens large. Généralement, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille, c'est vrai, mais il y en a des amis qui peuvent être très bien de la famille. Puis, qu'elle soit loin, qu'elle soit proche. C'est ça l'essence de la vie. Hein? C'est... J'ai pensé à ça, moi aussi, récemment, puis j'étais un petit peu fâché après Noël depuis quelques temps. Puis... Mm. Les cadeaux, puis l'affaire, c'est bien gros commercial. Puis moi, je suis pas le genre à être de gauche, puis genre anticapitaliste. Mm-hmm. J'embarque pas là-dedans tant que ça, mais on dirait qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mis sur le cadeau. Dis-les donc, Mathieu, que t'as juste pas d'argent pour acheter des cadeaux. mais je trouvais que c'est l'emphase est trop là-dessus, puis mais les rassemblements familiaux, les rassemblements entre amis. Ça, c'est le fun pour le temps des fêtes, pour ça. Puis ça, maintenant, moi, je dis plus Noël, je dis le temps des fêtes. Ouais, faut prendre le temps de dire à ceux qui sont proches de nous qu'on les aime. Ouais, aussi. Parce qu'il y en a qui partent vite en maudit. Ouais. Je pense que le temps des fêtes est un bon moment pour se rassembler, avoir du fun. Puis tu sais, un party sur le bord du comptoir peut aussi bien être bon qu'une soirée à faire une fondue. Comme les parties cuisine! Voilà! Check nous bien aller à soir. Exact! Puis on se souvient jamais des cadeaux, au fond, on se souvient toujours des moments. Le temps des fêtes, c'est des usines à souvenirs, tu sais. Exactement. Il y en a qui s'en souviennent pas, des fois. Je veux le plus parler. Je pense que mes enfants, moi, sont loin, OK? Puis quand je les vois, ben c'est là que ça compte pour moi. C'est tout le restant de l'année n'est pas éphémère, mais tu sais, j'anticipe toujours ce moment-là. Puis je vois Bruno avec ses enfants là, en ce moment, puis Véro, puis... Oh, c'est beau. Ça cool. Il y a Steve Lévesque qui vient de me texter. François, je t'aime. Merci, Steve. Tu passes des messages. Une belle équipe. Alors, on a une belle équipe. Ouais. Une belle équipe. Sinon, la bouffe, ça avance. Puis je vous le dis, je vous aime. Ouais, on s'aime, on s'aime. Parce que ce show-là... Attention au micro quand on fait ça. Ce show-là serait impossible sans toute cette équipe-là qui collabore. On doit être quoi, là, dans des gens qui donnent des idées dans le groupe? On doit être comme une vingtaine de personnes qui ont gravité autour de cette émission-là cette année. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas être là ce soir. J'étais déçu. Ben, pas j'étais déçu, j'étais triste. J'étais triste que ces gens-là ne soient pas là ici parce que je veux vous remercier. Il y en a peut-être qui nous écoutent. Je sais qu'il y a Mathieu Larochelle qui est à Nez Rouge ce soir. Ouais, la voix Dominique et Denis qui sont dans des parties. Ouais, Jenny aussi avec Pierre-Marc. Et je pense qu'il faut prendre le temps de dire merci, mais merci à vous autres de collaborer à ce show-là. On a peut-être pas des budgets faramineux pour faire ce show-là, mais je pense que on a du cœur. On réussit à faire un produit qui est quand même cool. Et une dernière chose, OK, parce que ça serait jamais possible sans un groupe. C'est tes auditeurs. Oui. OK? Oui. Parce que donner un show devant zéro personne, tu te vois avoir toute la volonté de vouloir continuer, ben, à un moment donné, tu vas manquer de volonté. C'est, rochant, c'est plus les gens qui écoutent, qui sont fidèles, qui reviennent, puis que ça grandit. On les voit, là. Je le vois, le chiffre en avant de moi, puis je vois les gens qui aiment, qui partagent, qui commentent. Mm. On vous aime. Ouais. Merci d'être là. Ouais. Puis c'est ça, puis c'est pour eux autres qu'on le fait, justement, parce que les médias, le dossier médiatique, la couverture médiatique en région, c'est pas facile. On est enterré de nouvelles nationales, internationales. On n'a pas beaucoup de place pour notre contenu, nos personnes, nos organismes. Puis bien, nous autres, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de donner la vitrine pour ici. À tout ce beau monde. L'Abitibi. Un show par le monde d'ici, pour le monde d'ici. Voilà. Ouais. Puis, je veux pas faire comme Jean-Marc Parent, mais je regarde l'heure, là, à soir, là. On va défoncer! On n'est même pas dans le milieu du show, on va défoncer ce soir. C'est le party de Noël! On enchaîne avec quoi, là? On enchaîne avec quoi? On enchaîne, il y a une BD qui se donne très bien en cadeau, qui s'en vient. D'ailleurs, j'ai mes invités qui vont venir me rejoindre, Marie-Ève Guindon et Véronique Fillion. Joignez-vous, on a sorti Crédit pour vous autres. Allez, prenez-vous un petit pinant, là, c'est le moment, regarde. On va prendre ça. Abonne Franck. Ah, oui. Alors, je pense que on est pas mal dans les premiers à le voir physiquement, là. Michel et Leloup. C'est trop tard. Comment on se sent, là, premièrement, de l'avoir en main? On l'a eu hier. On l'a vraiment eu hier, ça sort de l'imprimerie Aricana. Tu parlais que c'était un bon partenaire pour ton émission. C'est un excellent partenaire pour Production du Raccourci depuis 16 ans. Sens-le. Ça sent la colle, ça sent l'encre. Pour les gens qui aiment lire, qui aiment la littérature, qui aiment... Peu importe, il y a vraiment quelque chose dans l'objet livre qui est particulier. Et de tenir notre petit bébé, ça paraît pas, il est petit, mais il a quand même 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, de l'avoir vu hier, des boîtes de livres, c'était spécial, mais je pense qu'on n'en est pas comme revenu encore. On dirait que ça fait tellement longtemps qu'on est sur le projet. Mais en tout cas, moi, j'ai braillé. Oui, c'était très émouvant hier. Ah, du tout. Moi, je frette, là. Là, vous en avez déjà vendu parce qu'il y a eu une prévente. Oui, exactement. Oui. Comment on orchestre tout ça, la réalisation d'un... Bien, je veux quand même dire, il y a eu à peu près 470 albums qui ont été achetés en pré-vente. Qui est quand même une pré-vente de livres. C'est très rare. Je ne sais même pas si ça existe. Ça existe beaucoup, les albums de musique. Mm-hmm. Fait que ça, on est vraiment content parce que ça, c'est les gens qui voulaient l'album, qui faisaient confiance au produit. Mais à partir de mardi, le 19 décembre, il va vraiment être disponible partout en Abitibi, Témiscamingue. On a écoute, on a une grande liste, hein, mec, je pense, de tous les points de vente. Mais le plus facile pour les auditeurs, ce serait d'aller à michelleleloup.com. Ah, voilà. C'est exactement. Sûr que dans tous les villes et villages de la région, il y a moyen de trouver ce magnifique album-là. C'est un très beau cadeau à faire à Noël. Bien sûr, puis en plus, elle a des très bonnes causes. Déjà, il y a un 9$ qui va être remis à chaque achat de bande dessinée pour le Refuge Pajot pour continuer sa mission. Donc déjà, en partant, si vous avez acheté durant la pré-vente, il était à 30$, mais maintenant, il est rendu à 35$. Mais ça enlève quand même pas que c'est un beau cadeau à donner à Noël. C'est une bande dessinée qui s'adresse quand même aux enfants. Nous, on a ciblé les 8-12 ans. Parfait pour moi. On peut peut-être... Parfait pour toi. Mathieu, tu pourrais peut-être la montrer à la caméra. Oui, en montrer un peu. Caméra. Mais les adultes vont se retrouver, ou les enfants un peu plus vieux, parce que les adultes ont connu Michel Pajot, donc c'est vraiment le fun d'avoir accès à son univers, disons, émotif. Donc, les plus jeunes peuvent se le faire raconter par papa-maman. Donc, c'est vraiment un livre qui va plaire à toute la famille. Et parlez-moi un peu du processus créatif. C'est parti de où faire Michel et le loup? Tu sais, ça raconte une histoire d'amitié, puis c'est parti sur une histoire d'amitié, parce que Meg et moi, on se connaît. Écoute, j'ai connu Meg au secondaire. Non à son secondaire, mais au mien. Elle était si petite dans ce temps-là. Elle a beaucoup grandi aujourd'hui. Au moins tout ça, là. C'est de famille, c'est de famille. Ben oui! On salue Andréane aussi. Salut, ma sœur! Ben, c'est un projet d'amitié. Meg a étudié, elle a toujours eu un talent en dessin. Moi, j'ai mon talent plus en raconter des histoires. Puis on a décidé à un moment donné ensemble, écoute, on parle comme vous autres, vous avez des réunions de coin de cuisine, ben moi aussi ça m'arrive avec des amis artistes. Puis on a décidé de faire ce projet-là qui était supposé durer un an. Oui, qui était au départ un projet de grossesse à Véro, de son petit dernier. Ben oui, son dernier, Vania, qui est présentement là, qui est très, très grand, comparé à ce qu'il était au départ. C'était une pièce de théâtre qu'on avait fait à la base pour le Refuge Pajot. À l'époque, là, t'sais, on recule là, vraiment 15 ans. Ouais. De marionnettes, c'était vraiment la gang du Refuge qui nous avait approchés pour inaugurer la saison estivale. Ça avait super pogné. Après ça, Amos avait été l'hôte des Jeux du Québec. Rappelez-vous, en 2005, c'était le party en ville. Il y avait des affaires, c'était fou. Et on nous avait demandé, la ville, de refaire ce spectacle-là au Théâtre des Esquerres. Okay. Et Michel était venu, puis il avait pleuré. Vous allez voir, on rit, on réfléchit, puis on s'attriste aussi. Okay. Il y a une belle gamme d'émotions là-dedans. Ça traverse une vie. Mm-hmm. Notre projet a pris quasiment une vie. Aussi. Oui, oui. Donc, ça marque les grands moments de la vie. Fait que c'est ça. C'est une belle histoire qu'on ne voulait pas laisser mourir parce que Michel est important dans notre région. Mm-hmm. Michel nous a quittés l'année passée. Mm-hmm. Ça a été un choc pour toute la ville, toutes les gens qui l'ont connu, nous, personnellement, tout ça. Donc, on était vraiment contentes d'avoir commencé ce travail-là parce qu'on s'est dit, moi, j'ai des enfants. Et je me disais, mes enfants ont eu le plaisir de le voir au Refuge, mais il y a plusieurs enfants, les nouvelles générations ne verront pas Michel. C'est une belle manière de faire vivre, finalement, le souvenir de cet homme-là. Justement, tu disais que ça a quand même pris 6 ans que le projet vive concrètement. Est-ce que la mort de Michel vous a donné une espèce de... ça a eu un effet sur le travail? J'ai pleuré. Oui. On a tout laissé tomber sur le coup. Il a fallu qu'on digère ça. Puis je veux dire, tout s'est mis un petit peu au neutre. Il fallait faire aussi le deuil. Et parce qu'on on a travaillé de près avec la famille aussi. Oui. Fait qu'eux aussi, il fallait comme laisser retomber un peu cette période-là. C'est ça, ne pas brusquer les choses. Parce que nous, on était dans l'enclenchement totalement de la bande dessinée. J'étais en train de dessiner. On posait des questions souvent à la famille par rapport à leur passé, tout ça. puis là, on a dû comme mettre... C'était vraiment pas bon. Mais l'histoire n'a pas changé. Ben, c'est quand même une histoire qui est, disons, intemporelle. Donc, le fait que si Michel avait été des nôtres aujourd'hui, ou là, il ne l'est pas, ne change rien, disons, à notre histoire. Et c'est un livre qui va être autant d'actualité dans 10-15 ans. Là. Il n'est pas inscrit dans une période là, de temps. C'est vraiment sa vie de petit garçon jusqu'à l'âge adulte, à travers les grandes étapes de grosso modo, c'est l'histoire de la pièce ou on est à l'arrière? Écoute, au début, on a fait ça, hein, Meg et moi, on a pris un texte de théâtre, fait qu'on a dit, sur chaque réplique, il y a une case. Puis là, après ça, tu te rends compte que c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est ça. C'était un gros récit, il a fallu qu'on coupe, il a fallu qu'on change, il a fallu vraiment faire plusieurs concessions qui ont été dures quand même. Oui. Il y a des choses qu'on tenait, qu'on a dû laisser aller, mais je trouve quand même que le résultat final vaut vraiment la peine. Ça a bien donné. Ça... Est-ce qu'il y a la danse des moustiques? Écoute, la symphonie des maringouins qui était par Geneviève et Mathieu, le groupe de Rouyn-Noranda. Mais quand tu arrives dans ton petit cahier pédagogique de la fin, ici, là, toi, le hipster, tu vas me dire ça s'appelle comment, ça? Un code QR. Merci. Toi, le hipster. Fait que, ben, la calotte puis la cravate puis le complet. C'est pas la sienne, la cravate. Oh, il y a du monde dans le public qui jase. Hey, il y a Louis Courchaine. Salutations à Louis Courchaine qui nous écoute. Donc, ta symphonie des maringouins, tu l'as avec ton code QR. Oui, tu vas aller sur iTunes, genre, ouais. Sur YouTube, dit oui mon éditeur. Okay. Oui, vous allez voir l'entendre. Ceux qui ont en plus déjà vu la pièce de théâtre et pour leur ramener une belle nostalgie. Et ceux qui l'ont jamais entendu. C'est pas sur un CD, celle-là. C'est cette tune-là, nulle part. Là. Non, mais vraiment, à l'époque, Geneviève et Mathieu avaient tout fait la trame sonore de la pièce de théâtre. C'était vraiment fabuleux. Je peux-tu faire une petite plug? Vas-y. On est là pour ça. Je vais t'adresser directement à la caméra. Parfait. Je voulais dire à toute la population que le 28 décembre, je vais être au Refuge Pajot avec le livre. Je veux rencontrer les lecteurs, les gens. On a une belle après-midi d'organiser au Refuge Pajot. Il va y avoir des chocolats chauds. Moi, je vais pouvoir signer les albums. On va lire des extraits. C'est vraiment notre première rencontre avec le public. Fait que c'est et au refuge, en plus, c'est fort. Ben, il faut aller là. Malheureusement, notre cher Meg va être dans ses parties de Noël montréalais. Ben oui. Je serai seule cette fois-ci. Ben oui. Mais ça va être notre lancement officiel, notre première après-midi de signature. Fait qu'on est content d'aller au refuge. Encore une fois, ton carotté. À toutes les fois qu'on parle de Michel. Le branding est fort. On le voit pas, mais Bruno dans la salle aussi est en carotté. Le carotté avec la BD. Avec la BD. C'est très à la mode. C'est beau aussi. Moi, j'aime bien ça. Oui, puis c'est un clin d'œil à Michel. Oui. Michel, oui, il avait toujours sa veste à carreaux. Exactement. Fait qu'au début... Il y avait Budweiser aussi, j'aimais bien. Oui. Puis, c'était peut-être moins grand public. Là. Ouais, ben ça, c'est fallait un moment coupé quelque part. Puis moi, Mathieu, j'avais pas le goût de mettre des bretelles. Ah non? Tu sais, non, je voulais vraiment que les gens me distinguent de mon petit rôle d'Amos. Fait que j'ai dit, on va y aller avec le carotté. Oui, j'avoue. Oui, il y a une recherche de costume avant tout ça. Oui, oui. Non, mais c'est bien. On vous souhaite le mieux, la meilleure des ventes qui s'en vient. Achetez ça pour vous, pour vos enfants, pour notre région. C'est une des rares BD faites en Abitibi. Donc, c'est vraiment total de quoi couleur. Un produit de qualité. Oui. C'est pas loin. C'est pas loin. En tout cas, c'est 100% Abitibi. En tout cas, autant même impression, dessin, réalisation. On a vraiment travaillé fort pour que vous ayez un bon moment de lecture. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. Bonne lecture. On vous le laisse comme ça sur le coin de la table. Ben regarde, je vais si le mettre. On peut faire un beau zoom. Je vais le mettre comme ça pour la caméra qui est là. Voilà, je vois la lentille zoomer comme ça. On me fait signe, on étire. À partir du 19, partout en région. Je vais partout en région. Oui, est-ce que tu voulais nommer des points de vente ou il y en a vraiment? MichelEtLeloup.com. C'est point de vente, allez voir MichelEtLeloup.com. 35 $, mon Dieu, c'est pas cher. 35, ouais. pas cher. Je vous jure, dans la librairie, des livres de 100 pages et plus, ça vaut beaucoup plus que 35 $. C'est vrai. Mais heureusement, on l'a fait régionalement, fait que. Mais qu'on a pu le voir sauver sur le transport. Et voilà. La pièce qui va au refuge, c'est ça? Oui, exactement. Il y a 9 $ au refuge. Pour ceux qui font de l'argent là-dessus, en tout cas. Mais on va en faire, c'est le but. Le but, c'est de vivre. Mais c'est de partager également un beau produit. Oui. Exactement. De notre côté, on va passer à une capsule encore des deux MPP, parce que là, on était rendu au mois de mai, tu sais. On va aller faire le mois de mai jusqu'au mois d'août dans le résumé de l'année. Le jeu de mots pour jouer. On y va. Bonne fête, maman. Je suis pas ta mère, Marie-Mai. Mais. C'est pas passé grand-chose au mois de mai. Mais il a fait un peu beau. Il a fait un peu beau. Tellement beau que dans 117, Mathieu. Oui. L'asphalte est grugé. Ben oui, l'Abitibi qui a été complètement coupée du monde pendant quelques jours. Quasiment aussi pire que quand on perd les internets. Ben oui, ben là, on se demandait comment on va pouvoir se nourrir, comment on va pouvoir s'abreuver. Mais on a une reconstitution pour vous montrer de la manière que le trou s'est géré. Ouais, il y a un trou. Ouais, faudrait mettre du sable. Faudrait. Mais on sait pas d'où il vient ce sable-là, on peut pas le mêler. Faudrait appeler l'environnement. Appelle l'environnement. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Mais appelle quelqu'un, je peux pas faire ça, c'est pas dans mes tâches. L'environnement est occupé. Plus de personne dans le bureau. C'est pas notre meilleur topo, ça. C'est le mois de mai, que voulez-vous? La culture du vide. Hey Mathieu! Oui? Prendrais-tu un jus? Un jus, un jus, un jus, un jus, un jus, un jus, un jus, un jus, un jus. Avec nos téléphones cellulaires, on reçoit toujours des hosties d'alerte météo. Ne sortez pas de chez vous! Non! Fera pas beau! Fera pas beau! Y'a de la neige! Y'a de la neige! Il tombe des jouets! Il tombe des jouets pis des sécheuses! Pis du tape. Arrêtez de contrôler nos vies, météo, médias. Vous nous direz pas quoi faire! Si ça me tente d'aller prendre une bière, si ça me tente d'aller acheter un jeu vidéo, Mag Music, ça existe plus ça? Non. C'est à cause des alertes météo, le monde sortait plus, les magasins ferment à cause des alertes météo! Ça là, c'est le gouvernement du Justin Trudeau qui essaie de nous contrôler. Ils veulent pas qu'on sorte. C'est du copinage avec Amazon pour l'achat internet. Dans un an exactement, on va pouvoir fumer du pot librement. Je m'ouvre un Tim Horton. Juillet. Hey, juillet, les fêtes du centième de la Sarre battent leur plein. Il n'y a pas juste le 115e de Montréal. Pas non, non, non, non, ouais, ça gosse. C'est pas juste le 150e du Canada. Non, non, non, non, ça gosse. Mais. La Sarre s'entend. Ouais, la Sarre s'entend, et pour. Commémorer. Ils ont décidé de vendre. Des roches. Des roches. Alors, on avait jusqu'en juillet 2017 pour acheter notre roche. J'espère que vous en avez profité. Moi, j'ai oublié. J'ai pas vu passer l'annonce. Je sais jamais. On a des contacts avec André Gravel, ouais. qui travaillait pour le centième. Centième d'Amos, c'est centième de la Sarre. Je me questionne beaucoup. Je t'inquiète. Ben, il y a Barraute, il y a Landrienne l'année prochaine, Tressesson. Elle va peut-être se trouver un autre job là, dans le centième. Mais du choix. André Gravel, la vieille des. La vieille. Hein? André Gravel, la fille des 100 centièmes. C'est ça que je voulais dire avant de bégayer. T'es encore bégayé la deuxième fois. Ouais, je sais. Mais ça fait-tu ton charme? Je suis tellement beau. D'où Jésus qui a mouillé cet été? Moi, d'où? D'où Jésus? D'où? Hey Mathieu, il s'est passé beaucoup de. Comme on le dit dans l'introduction, beaucoup d'eau qui a tombé au mois d'août. Dans un petit laps de temps, dans un petit endroit, dans la région. Et pour la 16 000e fois, le viaduc de la rue Murdoch est inondé à Rouen. T'es que kayak! S'écria Céline Dion. Non, mais comment qu'on peut inonder ça 16 000 fois de même? Il y a quelque chose qui se passe pas bien, là. Il y a des claques qui se pètent, comme on dit. J'imagine qu'il doit avoir juste un bouchon à enlever. C'est comme moi, quand je prends mon bain, là, je mets un bouchon, ça s'inonde, puis je l'enlève. Peut-être qu'il faudrait juste qu'ils enlèvent leur bouchon. Engagez-moi. Appelez-nous. On a des solutions. Vous avez une nouvelle importante à communiquer? Contactez l'équipe Médiaté en tout temps sur Facebook et Twitter ou encore aux nouvelles avec un s@mediate.ca. Médiaté, 100% web, 100% B2B Témiscamingue. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana, pour tous vos besoins en impressions et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Le supermarché Maxi d'Amos, imbattable, point final. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Le rack à bonbons du dépanneur Relais des Pins, c'est plus de 125 bonbons en vrac, frais et moelleux. La SADC Arikana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT360. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie dans chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie dans chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde semente tout autour une chanson d'amour au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne, son foulard, il semble nous dire de ton bonasse. Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il vibrait tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire de ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il vibrait tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver. On aime ça! C'est ben le ouais. Fun! L'ambiance des fêtes, je vois les gens qui dansent sur leurs chaises dans la salle, c'est super beau. Je vais faire un petit peu d'interaction avec les gens sur le web. Salutations à Denise Dagenet qui nous dit « Joyeux Noël à tous! » Ginny Albert, Illuminati avec ça, je sais pas, elle devait faire référence au topo, j'imagine. Il va y avoir, la conspiration. Ouais, c'est ça, la fameuse conspiration de Météo Média. C'est pas fini ce dossier-là, c'est pas terminé. Non, effectivement. Salutations à Yvon Leduc, Louis Courchaine, Marc-André Bouliane, Sébastien Greffard qui dit Meg et son rire. Classique. Effectivement. Ah, voilà. On leur fait rire. Sean Wine qui aurait aimé ça être avec nous, mais qui va être avec nous dans une prochaine émission. On a toujours ben du fun avec Sean aussi. Là, on passe à une portion où on s'amuse. J'ai un petit peu peur. C'est une portion quiz et une portion. On a volé un concept à un show américain qu'on nommera pas, mais ça s'appelle Drinko. Alors, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que si vous consommez de l'alcool, prenez un nez rouge, vos pieds, un ami, un taxi, peu importe, mais ne prenez pas la médiété mobile. Voiture. Non, je prends pas la médiété mobile. Non, ça va mal pour nez rouge parce qu'il embarque deux. Ah, okay, ouais. J'ai juste deux sièges. Fait que c'est comme s'il me laisserait là, mais il partirait avec le char. Mais dans le fond, je sais pas comment ça... Ben moi, je vais l'expliquer là, puis là, je vais faire préparer un quiz. Je vais faire un petit peu de place. Ça, c'est l'ordre des boissons qui ont été placées. Je vais essayer de pas faire un dégât, OK? Mais c'est logistique, ce show-là. Là. Je suis comme stressé. OK, bougez pas, là. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de boissons. Il y a de l'eau, il y a du soho, il y a de la vodka quartz, il y a du jus de citron, il y a du petit mou de pomme sans alcool et de la tequila. Ils sont dans l'ordre inverse, donc là, ça part de là. Et tu as des questions quiz et le perdant devra faire un mix entre deux de ces choses. Avec les deux petits jetons ici. Voilà. ça me fait peur un peu, je vais essayer de gagner. Okay. Dans le fond, au début, je vais faire un petit quiz sur l'année. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la musique et la culture en général. Donc, j'ai pris des petites questions culturelles comme ça. OK. Au dernier gala des Oliviers, qui était dimanche dernier, première question. Cet humoriste a gagné 3 Oliviers, dont numéro de l'année et révélation de l'année. Quel était le titre de son numéro de l'année gagnant? On parle de Julien Lacroix. Eh, hey, boy! C'est qui joue, là, dans le fond? C'est vous autres qui jouez. Là. On est deux. Vous dites votre nom, quand vous voulez. On est juste deux. Tu nous avais pas mis en contexte les quiz, non, des questions, vrai. Là. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire ma recherche. Ben, j'ai travaillé sur la T360. C'était pas une lettre de séparation à ma blonde? C'est un point pour Sébastien. Yes, sir, man! C'est lettre à mon ex. C'était lettre à mon ex. Ça où mes buzzers, Boswell? Au dernier gala de la disque, ce groupe hip-hop a remporté... Attends, je peux-tu t'arrêter tout de suite? J'ai pas le câble! Ah non, mais là, c'est pas grave. Bon, voilà. Okay. Au dernier gala de la disque, ce groupe hip-hop a remporté album hip-hop de l'année. C'est À la claire ensemble. Donc, quel était le titre de l'album? Quel était le titre de l'album? Des questions. Ça. T'as peur. Et nous, fait quelque chose. Tu le sais? C'est pas ça que c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais est-ce que c'était ce que c'était? C'était les frères cueilleurs! Vous êtes pourris! Je connais pas ça! Excusez, là, moi, je regarde pas le titre, j'écoute la bonne musique, mais je regarde pas le titre. Non. Au dernier gala de la disque, Patrice Michaud a gagné la chanson populaire de l'année. Pour quelle chanson? Hey, on j'ai manqué le gala de la on disque, a l'air de c'est quoi? C'est ça, on a l'air calme! Là, c'est pas fin, ça! C'est pas fin, ça! Puis je disais que... Non, j'ai pas le temps d'écouter les galas. C'est ça, la chose. Kamikaze, Patrice Michaud. Ben oui, ben oui. On passe tout le temps à radio, à la connaît. Ben oui, mais quoi? On savait juste pas. OK, une série populaire cette année, c'est District 31. Oui, je le sais. Mettant en vedette le célèbre personnage de Nadine Legrand. Quelle actrice joue son rôle? Magali Lépine-Blondeau. Oh, merci, François. Wow. Une affaire que j'écoute, au moins. J'ai tellement d'amour avec. On va me préparer à boire tout ça. C'est parce qu'elle meurt à la fin. Oui, c'est ça qui arrive. Mais là, Mathieu, t'as pas rendu là encore. Il a sorti son album, son premier album en carrière, Rite de passage. Émile Bilodeau. Émile Bilodeau, pas de réponse. Voyons donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alexandre Taillefer a sorti un documentaire tout récemment. Quel en était le titre? Bye. Merci, bonne réponse. Ouais. Sers à quelque chose, puis aide-moi donc. OK. Aide-moi. Quand est-ce qu'il boit dans son jeu? Moi, il va finir avec okay, ça. Avec François, tu reçois l'honneur de faire le mix. Oh! Des jetons. C'est bon, allez. Il faut faire un mix. Eh boy, le mix. Okay. Un peu. Je vais être vraiment un chien, puis je vais le mettre dans le jeu. Ah, oh, c'est du mou de pomme sans alcool pour la première. OK. Il faut le mixer avec quelque chose. Attends. OK, on le mixe avec ça. Ah ouais. OK, je vais. Je vais te laisser le. OK, je vais là. Drette là. Avec. C'est quoi l'avant-dernière? Avant la bouteille d'eau, du Soho. Soho. Hey, regarde, je vais être fin. Je vais être fin, je te laisserai pas le prendre tout seul. Ça, c'est à qui? C'est à moi, ça? Ouais. Mm-hmm. OK. Je vais te faire le mix, là. Mais ça après moi, je goûte le Soho. Fait qu'on va voir. On t'en direct. Ouais, regarde. C'est ça. Je vais en faire deux. Ça va être bon. Ah, oh, c'est une bonne idée. Oh, en fait, tu m'encourages. Mais oui, ben oh, oui. Yes, ben tu ne me laisses pas tout seul. Ça ne laisse pas, mais. Pas savoir tes votre collaborateurs. Tu veux qu'on collabore encore? Fallait. Ça semble bizarre. Juste sentir avant. Et d'ailleurs, pendant qu'on prépare le mix, là, en musique, il y a eu beaucoup de bons albums qui sont faits dans les derniers mois. Donc, allez écouter ça. 2017 a été très, très payant pour la musique québécoise. Tu sais que le Soho, on retrouve ça dans les viettes. Non. Ben voilà. Salutations, je fais des salutations au passage. Louis Gosselin qui dit yes, bye. On a vu là. Louis. Oui, d'ailleurs, dans bye. Il faisait un caméo dans bye, c'est merveilleux. C'est. On l'a vu passer, puis j'ai fait. Voir ça sur c'est Louis. Ben c'est oui. Vraiment. Ben d'ailleurs, je veux le dire là, c'est là on rit, on s'amuse. Un... Mais le documentaire Bye, c'est à voir vraiment. Et ça fesse. Mais c'est ça. Fait que préparez-vous, faut être dans, faut vouloir le regarder là, mais c'est nécessaire que vous le regardiez. Mais soyez comme. Je vous conseille peut-être pas ça. De l'écouter dans un party de Noël. Madame. Ben c'est ça. C'est mais bon prenez moment. Le temps de l'écouter parce que le propos. C'est intéressant ça. Et doit être entendu. C'est nécessaire, mais c'est lourd. Bon, Shooter! Ok? Shooter! Hein? Shooter! Hein? Ça a l'air bon! Hey! Ben, attends! Mais non, pour vrai! C'est pas si pire! C'est vraiment pas si pire! Pour vrai, c'est de la liqueur de litchi, là, mélangée avec du mou de pomme! Ouais, mais là, mélangé avec du mou de pomme, là! Ok. Mais non, c'est pas si pire. Ah, c'est pas si pire. Mais je pensais qu'on avait plus le droit de crier chaud. J'aime ça. Québec, bon, ben, regarde. C'est recette fait... complète que tu peux pas dire. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça que tu viens de le dire. J'en étais rendu où avec tout ça? Moi? T'as pas d'autres questions, c'est correct, là? Moi, j'ai plus de questions, moi, de toute façon, vous êtes trop poche. Fini, que... je regarde l'air. Est-ce que. On a défoncé! Il reste encore bien du contenu. Ah oui, ah oui. Il reste... du contenu, c'est midi. Applaudissez pas pour ça. C'est juste que je suis pas tête, Boswell. on va passer à la prochaine capsule. Les deux, Mathieu, presque parfait. Il nous reste encore des mois de septembre à décembre. Et décembre, là, faut nous pardonner. Ça a été tourné un petit peu plus tôt hein, dans de le mois. Et écoutez donc ça, on se revient après ça. 7! 7! Septembre! Septembre, c'est une grande annonce, un grand jour. Pour de vrai, c'est le plus beau jour de ma vie. Le plus beau! Enfin, après plusieurs années d'attente. On n'y croyait plus, on va se le dire. Amos aura son nouveau Canadian Tire! On va avoir un nouveau Canadian Tire! Les produits Mastercraft dans un grand entrepôt! À sortie de la ville, plus besoin de recevoir des B6 CCM sa tête! Pas besoin de trier pour trouver sa lame d'exacto! Ça va être parfait, plus besoin d'aller rechercher ton barbecue dans un conteneur dans la ruelle à l'arrière! Plus besoin de dire « Excusez-moi, petite madame, vous êtes dans mon chemin avec votre carrosse! » Plus besoin de chercher des commis? Ah non, ça, par exemple, ça, faut pas changer les bonnes habitudes. Non. Octobre des beaux cheveux. Octobre. En octobre, ça a été une dure nouvelle pour le collectif des filles en feu, qu'on connaît bien, évidemment. Je suis en furie. Oui, La colère me ronge par en dedans. Mais gère-toi, là, gère-toi. Mais gère. Donc oui, l'entrepôt a été vandalisé gratuitement. On sait c'est qui les coupables? Certainement les deux frères. Vos maudites promesses. T'as un habit neuf! C'est novembre! Scandale! Giovanni Apollo s'appelle pas vraiment Giovanni, s'appelle Jean-Claude. JC pour les intimes. Bon, ok, peut-être qu'il y a un petit peu romancé la réalité, là, mais en même temps, qui ne le fait pas? MC Gilles, s'appelles-tu vraiment MC? Nadine Legrand dans le district 31, c'est Magali Lépine-Blondeau. Voyons, tout le monde le sait, c'est pas grave. By the way, la mère dans Petite Vie, c'est un homme qui a fait. Ben oui! Pis ça, on a-tu été choqué par ça? Non! C'est de la télévision, ça fait plus de 150 ans que ça existe. Giovanni, si tu nous écoutes, il y a une place pour toi dans l'équipe des deux MPP. Deux MGPPC cuisinier. Hein? Vous avez des problèmes? On a des solutions. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh! T'as-tu mal au ventre, Mathieu? Ouais, un petit peu. Hein? Trop mangé de patates? Trop de tourtières? Parce que c'est décembre! Ouais, ben, on est le 3 décembre, nous, présentement, la journée où on tourne ça. Fait qu'on sait pas trop l'actualité, mais on le sait ce qui va arriver, par exemple. Ouais, on vous le prédit! Il va mouiller à Noël. Noël. On va chicaner le 25 décembre en famille parce que le Canadien a une saison de marde. Le prix de l'essence va augmenter pendant le temps des fêtes. Ouais, le bye-bye va avoir des scandales. Ouais. On va se chicaner encore une fois. Mm-hmm. Mais ce qu'il va avoir aussi, c'est la capsule qu'on vient de tourner. Non, mais on se prend-tu pas pour de la marde? Ouais, ouais, on a revu l'année à la manière des deux MPP. Ben, ouais. Notre vision, la meilleure vision, pour vous seulement. C'est merveilleux, ça. On pète pas plus haut que le trou, là. On pète direct dans le trou. Direct dans le trou? On pète souvent, d'ailleurs. Despacito. Joyeux Noël, bonne année. Joyeux AT360. Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rennes traversent la lande, le vent dans la nuit, au troupeau parle encore de lui. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit rannou Nez Rouge, rouge comme l'humignon. Son petit lit faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange né rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange né rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Alors, Marie-Ève Tremblay, Frédéric Gourde, merci d'être avec nous ce soir. Je veux vous parler un petit peu, tranquillement, pas vite, comme ça. Parlez-nous un peu de vous autres. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? C'est beau. Ça fait quelques mois, pas tellement longtemps. Ça fait un an. Les hommes avec les hommes. Ah, c'est ça, hein? Bon. On se rappelle pas de ça, nous autres. Ben non, écoute, on s'est rencontrés dans des funérailles. Oui, nous autres, on se magasine dans des funérailles. C'est pas prévu, là, on s'entend. Ben, tu sais, sont émotives, sont vulnérables. Hey, je vois juste. Non, on faisait la musique dans les funérailles. Ça va aller mieux avec un micro ouvert. Et puis, depuis ce temps, eh bien, on fait de la musique, puis ça l'a pas arrêté. Oui, exactement. Comment on peut vous trouver? Sur Facebook, Symbiose. On a une page Facebook, on prend les réservations, des mariages, des enterrements, ça se fait aussi. Là, on est... ben, ça a l'air spécial comme ça, mais souvent, il y a des personnes, là, pour une petite cérémonie, ils n'aiment pas ça, avoir un disque qui joue, là, quelque chose d'un petit peu plus, une voix avec une guitare classique. C'est... plus personnel. Oui, c'est ça. Là. Puis ça fait quelque chose d'un peu plus beau. Là. Ben, parfait. Écoute, moi, je suis tombé sous le charme ce soir en vous écoutant. Je vais essayer de ne pas me faire enterrer tout de suite. Fait que je vais commencer par me trouver une blonde, puis après ça, on verra. Sinon, ben, on vous réinvitera sur le plateau aussi. C'est toujours une bonne occasion. Merci, ben, merci beaucoup. Je retourne en cuisine. Vous allez revenir avant la fin. Inquiétez-vous pas. On bouge pas. Je retourne en cuisine, tranquillement, pas vite. Ça sent bon. Ouais, franchement, ça sent très bon. Là, je suis pris. J'ai trop des grosses fesses. Je comprends plus rien de ce qui se passe, là. Ah! Ben oui. Hein? On a comme beaucoup de bouffe. C'est le temps des fêtes. Là, je vois des gens... ça fait-tu longtemps que c'est commencé? Ça finit à quelle heure? Ça finit dans quelques instants? Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un... C'est pas qu'on n'est pas bon, là! C'est qu'il y a des gens qui viennent de joindre à nous, qui ont vu passer les partages, parce que les gens continuent de partager... Vous allez pouvoir réécouter l'émission après, inquiétez-vous pas, elle va être disponible au moment où ça va être fini, vous allez pouvoir cliquer et l'écouter au complet. Ça a commencé à 18h, fait que ça, vous n'avez quand même un bout de manquer, il y a plein de contenu depuis le début. Puis il y a plein de cadeaux aussi, on les voit sur la table, speaker sans fil, gracieuseté de La Source Express Amos. un Google Chromecast également. Pour écouter AT360. Exactement. J'aime ça quand Mathieu, il plug tout le temps. Un magnifique panier cadeau de la gourmandine. Il y a plein d'affaires. Et, attention. Attention. Il y a de la sauce avec mon veston. Ouais, c'est ça. Bouge pas. Bouge juste pas. Je vais me beurrer. Une tuque de Michel et Leloup. Deux tuques Médiaté. Des billets de cinéma également. Donc, il y a un paquet d'affaires. Pour aller voir Star Wars. Tasse-toi. Exactement. Il se le fait dire. Hein. Tasse-toi, tasse-toi, tasse-toi. Le chef est en contrôle de sa cuisine. Et il y a beaucoup de stock. On va manquer de place sur le comptoir. On va manquer de monde en studio pour faire la bouffe. J'espère que vous avez faim, parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Moi, je me régale à soir, puis je vais en avoir pour une couple de jours. Il y a Pépette qui dit « Moi, j'en veux, moi, j'en veux! » Elle lève le bras depuis tantôt. Je vais laisser Sébastien finir en vous rappelant... en vous rappelant que l'émission va être disponible... À partir du moment où elle va être finie sur Facebook, elle va être également sur le site web de Médiaté. Elle va être à TVC7 également, qui est le chef. La dernière de la première saison. Je vais te poser une question. C'est qui le chef? C'est qui le chef? Sébastien Lavoie. Voilà. 42 ans. Svelte. Svelte. Autonome. Autonome. Ouais, autonome, puis il cuisine bien. Puis Bruno Turcotte qui dit « Je veux gagner. » Tu veux gagner quoi dans le lot de bouffe? Là? On va t'en donner, Bruno. Bruno, si tu gagnes la tuque de Michel et Leloup, je te dis tout de suite, t'en as une sur la tête. Alors, c'est la dernière émission. Celui-là, on le saura tantôt. Champagne, Seb? J'espère. Oh non, on sort pas. On veut rien péter, il y a de l'éclairage ici. C'est pas la bonne idée. C'est ça. Il n'y a pas de sabre. Tu vas-tu t'en retenir? Pas de sabre. J'aimerais ça que tu le popes pas dans la tête. Non, lui, il va s'en occuper. Inquiétez-vous pas, je l'ai popé au baptême de mes enfants. Tout s'est bien passé. C'est juste aveugle. Attention, lentille de caméra, toi. Ben, je vais te laisser le faire. OK, tu l'inities, puis après ça, tu le laisses aller. C'est bon? C'est parti. À dernière saison, non? À première saison, excusez. Voilà. Wow. La dernière de la première saison. La dernière de la première saison. Je vais te laisser saison. Parce que t'es sûrement mieux que moi. C'est ça me fait chaud au cœur qu'on ait déjà 12 émissions de fait. C'est quelque chose. Ouais. Honnêtement. Oui, quand même. Je pense que... je pensais pas... je savais pas trop où on s'en allait au début. Mais non, oui. C'est une idée de fou qui nous est sortie de la tête puis qu'on a dit « Pourquoi pas? Mm-hmm. » Sauce. Hey, le move, là! Hein? Non, mais c'est correct, regarde, regarde. Ah, oh, Mathieu, non, Mathieu a des enfants dans la chambre. C'est vrai. C'est quoi le rapport avec les enfants? Ah, licher des boules. Tu essayes l'autre? OK, c'est ça. Ah, les gars. Ah, il y a des enfants dans ça. Seb, qu'est-ce que tu nous as cuisiné ce soir? Parce que c'est un peu ça le principe. Là. Oui. Je vois que tu salis des coupes, mais tu me épaule de porc. Épaule de porc. OK, bien, de manière traditionnelle. Et une énorme épaule de porc. Oui. C'est une bonne pièce, hein? Oui. Moutarde Dijon, puis on met ça avec un peu d'eau. Puis c'est pas cher, puis on met... Non, vraiment pas. Puis on met les patates dedans, 45 minutes. C'est pour quand même 4 heures de cuisson. Mm. On fait saisir avant 4 heures de cuisson à feu doux, tout au long. C'est pour ça que le show est un peu plus long. C'est ça, ouais, c'est pour ça qu'on déborde. Donner du temps. Ben oui. Ici, on a... juste le goût de me laisser tenter une petite patate. Là, ici, on a des choux-fleurs. Ah oui, c'est d'autres choses. Des choux-fleurs rôtis. Du bacon. Ça, là, chou-fleurs pour faire aimer les choux-fleurs à vos enfants. Là. Mm-hmm. Ah, Bruno? Ouais. Ça, je pense qu'ils vont aimer ça. Choux de Bruxelles, la même chose. On a un brie fondant aussi. Oh! Puis des crudités avec ce qui restait, du pain. Et... La pièce de résistance, le raccout de boulette. Voilà. La tradition. Voilà. Ça, c'est pas du cordon bleu, ça, là. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens en studio vont pouvoir manger avec nous dans cette chaleur incroyable. J'espère qu'ils vont nous aider, parce que moi... Oui. Je pense qu'on va faire un toast. On va terminer, oui, nous, en musique, avec une dernière prestation. Je veux faire un toast avec vous. Oui. On invite-tu du monde? On se créera, bye-bye. On invite-tu du monde? Bruno! Kate, viens nous rejoindre. Bruno! Kate! Kate, viens nous rejoindre. Ah, mais Véro! On va manquer de coupe. Tiens! Ah non, toi, par exemple, t'as pas le droit de boire. je peux, par exemple, peut-être te donner un petit mou de pomme dans une coupe, tu sais. Est-ce comme un décompte de mon bye-bye? Si je trouve le mou de pomme qui n'est plus là, en tout cas, on le verra tantôt. Je sais pas où il est rendu. Mais, je vais te le mettre d'une coupe, ça va être plus chic. Là. Faut pas. C'est parce que pour faire un décompte, on va en profiter, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Radio-Canada demandait... aux gens. On va prendre la caméra là. On va regarder la caméra là. Et on va souhaiter à tout le monde bonne année. On va l'envoyer à la gang du bye-bye. On verra bien si ça va donner. Je vais le lancer. Puis. Répond. Vous, je vais dire de toute la gang de l'Abitibi. Bonne année! Oh, c'est oui, bon? On fait ça de même, ok. Ouais. Fait que j'ai un micro ici aussi. On nous regarde. La chatte est bonne. Alors, de toute la gang de l'Abitibi, bonne année! Fait que, aussi à la saison 1 de la T360 et à la prochaine saison 2. Voilà. Les collaborateurs qui vont rejoindre les invités. Mais François Manger aussi qui met ça de l'avant avec toute son énergie. Essaye, travaille fort. Travaille fort. Ben, merci beaucoup tout le monde. Bravo. On va terminer ça en beauté, en musique. Je vous laisse là-dessus. Mon nom est François Manger. Je vous dis à la prochaine. Go Fred! Go Fred! Bien. You better watch out, you better not try, you better not found, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. It's making a list and checking them twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not try, I'm better not pound and tell you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. You when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, will be good so goodness sake. You better watch out, you better not try, you better not pound and tell you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. It's coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa,